Indifférence? Ah, ça, c'est le classique du chez les classiques. Java des Piaf. La Java des Piaf sera suivie de la marche des routiers. Thank you. super, il sera chouette sans ça, c'est j'en passe. Les routiers, c'est pas du boniment, sont tous de bons vivants, marrants. Les routiers sont tous de bons copains, ils te donnent un coup de main en cas de pépin. Marie. Ah, la petite Marie va nous emmener également. Hein. La petite Marie va laisser la place après à une fille aux yeux clairs. Thank you. Gracieusette, c'est une valse. Oui, mais pas n'importe quelle valse. C'est la dédicace que fait André pour son cousin André Mulmater, qui est allé rejoindre les étoiles. Un moment de souvenir et de partage. C'est une Java et El Gato Montes, je vous laisse découvrir tout cela. Thank you. Au bal des Baléares, on est parti avec deux chachas, Eso Elles Amor. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Écoute les guitares, c'est le bal au Baléares. Les masques de soie noire, souris au domino, c'est le bal au bord de l'eau. Fièvre bizarre, de notre cœur s'empare à l'appel du bal au Baléares. Que de jolies histoires, que de charmants duos, l'amour chante au bal au bord de l'eau. Sous les palmes blondes, allons danser là-bas. Il y a tant de monde que nul ne le saura. L'écho d'une guitare qui chante dans le soir, c'est le bal au Baléares. Un baiser qui s'égare, un tendre domino, c'est le bal au bord de l'eau. Si vous rêvez un soir de vivre mon histoire, c'est facile au Baléares. Il n'est jamais trop tard pour prendre le bateau. Venez vite au bal au bord de l'eau. un autre classique de l'accordéon, El Relicario, et la Java. La Java, c'est une Java. Thank you. enchaîne avec les divorcés, c'est un slow, et il sera suivi de nuages, également un slow. C'est un moment de volupté, bien sûr. Thank you. On retourne dans les Paso Doble, avec Morena de mi Copla et Rossignol du Jura. C'est une marche. Thank you. termine avec un petit chapeau tyrolien. Allez, c'est parti. La fin de cette première partie ne veut pas dire pour autant la fin de l'émission. On continue avec Bernard Lavillier. Vivre encore le Bernard Lavillier. Quand tu n'entends plus dans ton cœur trop lourd battre ton sang noir, voiler les tambours, et quand le soleil, comme une blessure, fait place à la nuit, quand la mort rassure, faut vivre encore. Combien de ratures, combien de nuits blanches pour toucher de près ce chant qui monte, ce qu'il faut de sang pour donner la vie, ce qu'il faut de temps pour toucher l'oubli et vivre encore. Vivre encore. Vivre comme un cri, cri du sang, de l'amour aussi. Vivre ailleurs, survivre ici. La bataille n'est jamais finie. Quel vainqueur. Ce qu'il faut courir pour avoir le souffle, ce qu'il faut sentir au-dessus du gouffre, ce qu'il faut cacher pour sur un mot d'amour, ce qu'il faut tuer pour revoir le jour et vivre encore. Vivre encore, vivre comme un cri, cri du sang, de l'amour aussi. Vivre ailleurs, survivre ici. La bataille n'est jamais finie. Quel vainqueur. Ce qu'il faut lâcher pour cette altitude, ce qu'il faut forcer pour la solitude, faut de la présence pour tenir la scène, prendre des distances pour tenir la tienne et vivre encore. Vivre encore, vivre comme un cri, cri du sang, de l'amour aussi. Vivre ailleurs, survivre ici. La bataille n'est jamais finie. Quel vainqueur. Quand tu n'entends plus, dans ton cœur trop lourd, battre ton sang noir, voiler les tambours, et quand le soleil, comme une blessure, fait place à la nuit, quand la mort rassure. Faut vivre encore. Faut vivre encore. Et vivre encore. Claude François, toi et moi, contre le monde entier. Toi et moi contre le monde entier, Clo-Clo, qu'on le retrouve toujours avec un grand plaisir. Je suis blond et tu es blond. Tu as les mêmes yeux que moi. Tu es la réussite que je n'attendais pas. C'est une histoire d'homme. Ne va pas le dire à ta mère. Elle ne peut pas comprendre que mon secret sur terre. C'est toi et moi contre le monde entier. Toi seul à mes côtés, comprenant ma tristesse. Toujours su t'aimer, et on ne s'est pas toujours compris. Mais tu deviens l'homme, oui, tu deviens mon ami. Et quand un jour tu partiras, comme on part quand on a 20 ans. Ce temps où toi et moi Mon fils, ma bataille, ça c'est la bataille, effectivement, de Daniel Balavoine. Eddie Mitchell nous dit qu'il avait deux amis. Ces deux amis, les a-t-il toujours ? S'appelait Betty.

Liane Folie, vivre ou survivre. Ah oui, on peut survivre, mais on peut aussi vivre, et c'est mieux. Allez, un petit coucou pour Daniel Ferrari de Chenin-Smine. Merci pour les gentils mots que vous nous avez accordés. Merci beaucoup, Daniel. Yeah. n'est pas les plus malheureux. Mais quand dans l'amour tout s'effondre, toute la misère du monde n'est rien à côté d'un adieu. Et pourtant je veux vivre. On termine avec ce titre, Tutti Udi Steril. Avec qui? Je vous le donne en mille, Renaud. D'un chez Coron, cœur me ménache. Chez mineurs viennent d'avoir le congé. Prennent le valise et partent voyager. À la campagne, ouvrir le parenté. Mais comme elles autres, je prends mes bagages. Et je m'en vais, mais je quitte pour un main patelin. Je vaux du pays, de la manière que je m'y prends. Sans débourser un sou de train. Et je passe mes vacances tout en haut de Steril. J'ai tout dit de la chance, je t'ai raillé, jamais pris. Je monte une toile de tente, je vis tout seul et je m'arrange. Et je siffle, et je ris, et je cante, et je suis heureux de faire du campinche. Je me fais la popote, je vis bien mieux qu'à l'hôtel. Je mets comme les cocottes du rouge à mes orteils. Du haut des couplettes, j'aime croire Chambéry. Mais je ne suis qu'au fait tout un haut de Steril. Comme point de vue faux vierge que je dégote. Les beaux, les prairies des environs, chez village, chez ville, nous courons. Et je branche le linge, ne me coûte pas un rond. Sur ma feu de beau, je fais tout me gargote. Viande, ox, pomme, tire, frites, morceaux de lard. Et j'ai monté, tranche un clito de pinard, pour m'y chucher un père pénard. Et je passe mes vacances tout en haut de Steril. J'ai tout dit de la chance, de vierge que je vaux, chez ta mine. Quand t'arrives le soir, et je vaux venir d'amoureux. Ils attendent qu'il fait noir, mais je ne les quitte pas les yeux. Ils vont s'en lassant, stigeant des balivernes. Tout en s'embrassant d'un chez blé, d'un chluserne. Ils se font les papoules, un saplant, un chéri. Et mi je vaux tout chat, tout un haut de Steril. Mais avant-hier, je n'ai point eu de chance. D'un seul coup, là qui se met à pleuvoir. Je rentre à l'abri sous ma perchoir. Elle me tente à le pichot, je t'opire qu'un arrosoir. Alors j'ai poussé la romance. J'ai sorti pour m'éviter le cafard. Et j'ai flûté, chant le chili de pinard. Un verre le camp comme un pochard. J'allais gringoler tout un bas de Steril. Arrivé au pied, je me suis relevé, tout meurtri. Je sais plus quoi que j'ai fait, j'avoue tellement une cuite. À la plage de Mbarrette, j'avoue sur une tiette, je codron à frites. À forcher de bourrelet, me pencher sur des cailloux. Il y a une certaine plage, il m'a manqué un morceau. J'y ai mis un bout de loc, je suis pas prêt d'être guéri. Et je suis remonté tout en haut de Steril. Alors, pendant un trintemps, le mineur campeur, il ne quitte pour sa chère Terry. Même pensionné, il y va comme au passé. Seulement, aujourd'hui, il est malade. Elle faut, ça l'a usé. Il est dans son lit, et les larmes aux yeux, un ravisant à travers Escaro. Il dit tout bas. Comme ça va vite, comme le temps passe, au Terry, j'ai campé bonnes années. acheteur, il faut l'abandonner. Je ne suis plus qu'un vieux mineur passionné, et je n'ai plus que des jauges d'âme carcasse. Je suis vieilli, mes gambes sont ramollies, et de le faire niette en étant la main libre. En ravisant, je dis c'est fini, je montrerai plus jamais tout un haut de j'terri. Fini désormais, le médecin, je l'ai ben compris. Par 40 ans de fond, mes poumons y ont qu'il cause. Poussière de carbone, un appel chat, la silicose. J'ai béto un tour et de partir comme tant de vieux. De faire un long séjour là auprès du bon Dieu. J'espère qu'il me lèchera quand je serai au paradis. Quand venir en vacances tout en haut de ma terrie. J'espère qu'il me lèchera quand je serai au paradis. Pour venir en vacances tout en haut de ma terrie. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur le 91, sur le 102.5. Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous.